Le récit du chapitre 4 de Daniel se situe autour de l'an 565 avant Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar avait vaincu le royaume de Juda, la ville de Tyr et l'Égypte. Il avait ainsi atteint le sommet de la gloire. Il avait conquis le monde. Mais il n'avait pas encore appris une vérité essentielle, le code de base de la sagesse, celui que nous trouvons énoncé à trois reprises dans ce chapitre, au verset 17, 25 et 32. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Le chapitre 4 de Daniel est en fait un monologue du roi Nebuchadnezzar. Du premier au dernier verset, il raconte une phase mouvementée de son existence et il introduit sa narration par une proclamation universelle. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Combien nous aimerions entendre aujourd'hui des chefs d'État tenir ce langage, par exemple à la radio ou à la télévision. Cependant, pour que Nebuchadnezzar en arrive là, il lui a fallu 8 ans d'éducation divine. D'abord, Dieu l'a averti d'un châtiment. Puis, il lui a donné 1 année de sursis, avant de le frapper pendant 7 ans d'une grave maladie mentale. Mais reprenons l'expérience à son début. Nebuchadnezzar avait oublié que Dieu lui avait parlé longtemps auparavant par les 4 jeunes Hébreux déportés de Jérusalem à Babylone, Daniel chapitre 1. Il avait oublié l'enseignement du songe où Dieu lui communiquait ses plans pour l'avenir du monde, Daniel chapitre 2. Il avait oublié la libération miraculeuse de Shadrach, Meshach et Abednego, sortis indemnes de la fournaise ardente, Daniel chapitre 3. Et il avait progressivement adopté une attitude de révolte et de défi à l'égard de Dieu. Pendant des années, il ne s'est plus occupé de lui. Oh, malheur à l'homme qui néglige le Tout-Puissant, surtout lorsqu'il lui a parlé à diverses reprises. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a bien dit. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 25. Dieu avait parlé à Nebuchadnezzar du haut des cieux, mais Nebuchadnezzar s'est détourné de lui. Dieu aurait donc dû le frapper, mais, dans sa grande patience, il a d'abord envoyé au roi un songe pour le prévenir de la calamité qui se préparait. Un songe qui a dû profondément toucher son cœur. Car Nebuchadnezzar a rêvé d'un arbre, et pour lui, les arbres étaient une véritable passion. On dit qu'il avait rempli Babylone d'arbres exotiques et qu'il avait même transporté à grands frais, sur une distance de plus de 1000 kilomètres, quelques-uns des majestueux cèdres du Liban pour les planter dans les fameux jardins suspendus de sa capitale. Nebuchadnezzar a donc rêvé d'un arbre, et pas n'importe quel arbre. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Daniel 4, 10 à 12. Ah, si le songe s'était arrêté là, Nebuchadnezzar aurait fait un très beau rêve. Mais, car il y a un mais, écoutons la suite de son récit. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Verset 13. Le Très-Haut, qui peut établir et renverser les chefs d'État à son gré, dispose de messagers célestes chargés de veiller à l'accomplissement de ses plans envers les peuples. Celui que Dieu avait envoyé à Nebuchadnezzar cria donc avec force, Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. Daniel 4, 14 à 16. Et comme pour souligner l'importance de cette vision, le messager céleste a ajouté « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Verset 17. Nebuchadnezzar a fait trembler le monde. Il a imposé sa loi martiale à une multitude de peuples, fait périr des milliers d'innocents et refusé d'avoir compassion des malheureux. Et soudain, Dieu l'arrête par ce songe. Tout effrayé, Nebuchadnezzar convoque ses magiciens et ses astrologues pour qu'ils interprètent le sens de cette vision. Mais aucun d'eux n'y parvient. Alors le roi fait venir Daniel, surnommé Belshazzar, et lui dit « Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Verset 18. Daniel n'est pas seulement conseiller du roi, il est témoin du Dieu des cieux à la cour de Babylone. Lorsqu'à l'époque, il avait interprété le songe de la statue, il lui avait été relativement facile de dire à Nebuchadnezzar « C'est toi qui es la tête d'or de la statue. » Mais c'était tout différent de lui annoncer maintenant « L'arbre à abattre, c'est toi !» Cependant, après un préambule où Daniel fait preuve de respect envers le souverain, verset 19, il lui fait connaître le message divin. La sagesse et le courage dont il fait preuve ne lui viennent pas des esprits des dieux saints, comme Nebuchadnezzar le pense, mais de l'esprit de Dieu qui est en lui. En langage du Nouveau Testament, on peut dire qu'à l'égard de Nebuchadnezzar, Daniel a annoncé, comme l'apôtre Paul des siècles plus tard, « Tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Actes 20, 27. Et Daniel est un exemple pour nous, témoins de Jésus-Christ. Nous avons à dire tout ce que Dieu veut et à appeler les choses par leur nom, même si cela ne plaît pas à chacun. Et croyez-vous que Nebuchadnezzar a été flatté lorsque Daniel lui a donné l'explication du songe ? Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Versets 24 à 25. La prochaine fois, nous verrons comment cette parole s'est accomplie à la lettre et comment Nebuchadnezzar a été forcé par les circonstances à reconnaître la toute-puissance du Très-Haut. Mais, chers auditeurs, êtes-vous prêts à reconnaître ce que Nebuchadnezzar a eu tant de peine à admettre ? Vous ne siégez pas sur un trône et vous ne remplissez pas une fonction de chef d'État. Néanmoins, vous organisez peut-être votre vie comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'avait rien à vous dire, comme si la Bible n'était pas un message qui vous concerne de prime abord. Vous êtes devenu quelqu'un. Vous avez lutté pendant des années pour remporter certains succès ou acquérir une position enviable sur le plan social. Mais est-ce cela l'essentiel ? Lorsqu'il y a quelques années, j'étais à l'hôpital de Genève pour y subir une opération à cœur ouvert, j'ai vu dans ma salle des patients qui se vantaient de leur incrédulité. Mais au matin d'une intervention chirurgicale qui comportait pas mal de risques, ils n'étaient pas si fiers. Je pense en particulier à l'un d'entre eux qui s'était moqué de Dieu et qui, la veille, avait même blasphémé. Cependant, il avait les larmes aux yeux quand, juste avant qu'on l'emmène à la salle d'opération, j'ai demandé à l'infirmier d'attendre quelques secondes pour me donner le temps de prier pour lui et pour le chirurgien qui, par son art, allait, si possible, prolonger son existence. Mes amis, n'attendez pas la crise cardiaque ou l'accident de voiture pour reconnaître que Dieu est souverain et qu'il veut votre bien. Votre âme est le bien le plus précieux que vous possédez, et cette âme a besoin d'être sauvée. Sauvée de la condamnation du péché, sauvée de la mort éternelle, pour être au bénéfice de la vie éternelle. Et cela, ce n'est possible que par le sang de Christ, qui a coulé à la croix du calvaire pour expier nos fautes. Je vous annonce un salut parfait, entièrement acquis et offert sans contrepartie aucune par la souveraine grâce divine. Nabuchadnetsar était 100 fois criminel et 1000 fois coupable de toutes sortes de péchés. Dieu aurait pu l'écarter sans autre, comme il pourrait nous écarter, vous et moi. Mais Dieu a patienté avec Nabuchadnetsar, comme il patiente avec chacun de nous. N'excédez donc pas sa patience, comme l'a fait Nabuchadnetsar. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Aujourd'hui, mettez-vous en règle avec Dieu. Acceptez Christ comme votre sauveur personnel et recevez par la foi la certitude de la paix du cœur et de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse richement.